Nothing matters, des croissants au beurre. J'ai perdu ma montre, j'ai pas l'heure. J'ai plus la notion du temps. J'veux juste que la toune, tu l'entends. C'est la sonorité qui résonne comme un gros gong. En train de dépérir, ma vie est écrite grâce à une machine à écrire. Pollution, intervention par le son.